Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend là? Ouais. Bon. Ouais. Alors déjà, je voulais vous remercier Debout Éducation Populaire parce que c'est rare qu'on parle du sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans les médias d'une façon critique. En général, dans les médias, c'est plutôt on exhibe des personnes et on fait de la publicité pour un système. Aujourd'hui, on va essayer de voir une autre approche. Alors, le logo que vous voyez là, No Force Treatment, ça correspond à une campagne. Ça correspond à une campagne internationale. Sinon, en fait, faut vraiment parler bien. On va prendre un sans fil. Allô? Un, deux. Oui, ça y est, bon. Super. Ah. Ok. Campagne. Allô. Qui dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui sont... Les personnes... entrer dans un circuit psychiatrique, actuellement en France et dans le monde, eh ben, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, je peux vous dire que c'est fascinant parce que on peut avoir besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique. On peut se sentir mal et avoir besoin d'aide. Mais une fois qu'on est là-bas, on rencontre tout un tas de situations assez effarantes. Des gens qui sont abandonnés. Si vous êtes à l'hôpital psychiatrique et que vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez pas ressortir. Vous restez en plan. Et ça peut durer des semaines, des mois, des années. Tant que vous n'avez pas un logement, vous ne pouvez pas sortir. Ensuite, moi par exemple, je me lève tôt, à 4h du matin je suis debout, et ça dérange. Alors, pour m'aider à ne pas déranger, on m'enferme. On m'enferme dans une chambre, le temps que je dorme. Mais c'est rien quand on parle au mauvais traitement qu'on voit, hein. Et encore, je suis dans un hôpital qui est plutôt cool. Mais il y a beaucoup de souffrance dans les hôpitaux. Beaucoup de souffrance. Beaucoup d'handicapés, désolés, désœuvrés. Beaucoup de misère. Misère sentimentale, misère affective, misère sociale. Misère noire aussi. Des gens qui n'ont jamais rien, qui fument des mégots. Vous commencez une cigarette. Quelqu'un veut fumer avec vous, alors vous lui prêtez votre cigarette, vous la récupérez, vous la terminez. Mais avant la fin, il faut la donner à quelqu'un qui va la terminer. Donc il y a une deuxième personne qui va prendre la fin de la cigarette. Et quand cette personne a fini la cigarette, mettons qu'elle la jette, il y a une autre personne qui va rattraper le mégot par terre et le terminer encore un peu plus. C'est fascinant, hein. Et tout ça, on n'en parle pas. On dit que c'est bien, il y a un parc, c'est arboré, il y a les petits oiseaux. Mais c'est dur, hein. Renaud. Il faut vraiment parler dans le micro. Dommage parce que j'aime bien parler fort. Tant pis. En France, il y a une personne qui s'appelle la contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est une dame qui dit dans les prisons et dans les hôpitaux. Et elle fait un rapport tous les ans. On peut voir son rapport sur Internet. Il y a des photos aussi. Alors, j'ai pris une photo, j'ai dessiné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contention. Alors, on dit que c'est une contention, entre guillemets, thérapeutique. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout est thérapeutique. C'est évidemment pas thérapeutique, il s'agit d'une punition et d'une torture. Ce que vous ne voyez pas, c'est que la personne est laissée comme ça pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Et ici, il y a des escarres qui se mettent. Les infirmiers les aident pas pour boire, ils sont déshydratés. On a des problèmes parce que on les aide pas pour faire leurs besoins, ils portent des couches. C'est une torture. C'est pas autre chose qu'une torture. Ça a été reconnu comme une torture par le rapporteur Mendes à l'ONU. Dans le rapport de la contrôleur, nous avons des phrases qui sont hallucinantes pour quiconque est concerné par les droits de l'homme et ce qu'on fait avec l'argent des cotisations sociales au nom du bien. Hôpital psychiatrique de Bourg-en-Bresse, 2015-2016, recommandation en urgence au journal officiel. Pour une capacité de 412 lits, l'établissement compte 46 chambres d'isolement, dont l'utilisation se révèle remarquablement importante. Plus de 35 chambres d'isolement sont occupées chaque jour, ce qui représente plus de 13 000 journées passées en chambre d'isolement dans l'année, etc. Le recours à la contention, dont l'usage doit pourtant rester exceptionnel, est tout aussi généralisé. Certains jours, 35 patients sont contenus sur un lit. Ainsi, dans l'une de ces unités, une personne est isolée, attachée depuis une date indéterminée. Chacun des soignants, dont certains sont en poste dans l'unité depuis plusieurs années, interrogé sur le début de cette mesure, a répondu n'avoir jamais vu cette personne ailleurs que dans la chambre d'isolement. Vous avez une association qui s'appelle Neptune et qui a envoyé un rapport au comité ONU contre la torture pour dénoncer ce genre de situation. L'histoire de Bourg-en-Bresse que je vous ai lue n'est pas exceptionnelle. Vous en avez plein partout en France. Vous avez des unités dedans qui s'appellent personnes humaines. Vous êtes continuez, il y en a des. Vous savez ce que le MES par rapport à ça? Tout va bien. Continuez. Développer la psychiatrie, ça s'appelle la santé. Alors, les survivants de la psychiatrie ont été auprès pour et au convoi. Toute personne handicapée ou pas doit doit voir la reconnaissance de sa personnalité juridique dans des conditions d'égalité. Et c'est précisé dans un document qui s'appelle l'observation numéro 1. Et ce document dénonce prise de décision. Ce qui est nouveau, c'est que les personnes du comité sont handicapées. Au niveau de l'institution, au niveau du Conseil constitutionnel, des députés, apparemment personne ne s'est posé la question de la constitutionnalité des lois actuelles. La situation en France. Les statistiques e-santé, on les trouve sur Internet. Hein. Tout le monde peut les regarder en 2014. Les 2015 ne sont pas arrivés. C'est accablant parce que c'est pas la des personnes et la violation en psychiatrie n'est plus. Alors c'est pas gay, hein. C'est pas gay ce que je vous raconte. C'est possible. Ça a été pire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on survit, hein. Mais on passe de sacré moment. C'est-à-dire que vous êtes dans la galère. J'y suis passé 30 fois dans ma vie, donc je peux en parler, hein. Je suis jamais allé en UMD, mais j'ai pas envie d'y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une idée qu'on se fait, c'est que on prend soin des gens, on les soigne, on leur fait du bien, on calme leurs angoisses, leurs problèmes psychotiques, on leur adapte à leur maladie psychosomatique. Mais je disais, on mange mal, il y a une promiscuité, on est tous les uns sur les autres. Vous êtes surtout obligés de supporter les autres, qui sont eux aussi maltraités. Ça crée des situations terribles, en fait. À côté de ça, jusqu'en 1990, c'est ça la loi, cher monsieur. En 90, la loi a changé. Et on est donc intervenu, c'est-à-dire que maintenant il y a un juge qui est un juge des libertés que vous voyez à chaque fois que vous êtes interné. Alors, si vous voulez mourir pour le juge, pour ne pas être interné, pour contester votre internement, il faut lui écrire. Alors quand vous êtes bourré de médicaments, vous ne voyez rien, même avec vos lunettes, écrire un avocat. Il faut en avoir un. Lui téléphoner, c'est interdit. Autrement dit, pour se défendre, on peut attendre longtemps. Donc, en général, tous les placements sont confirmés par la justice. Sauf cas exceptionnel. Et je disais, je pointais, la difficulté, c'est de se retrouver avec des gens qui vont mal. Non seulement ils vont mal, mais on ne les fait pas aller mieux. Et il faut vivre au milieu de tout ça. Voilà. Pas facile. Mais moi, je garde le moral quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, depuis 2011-2013, les députés de gauche, de droite d'abord, et de gauche, ont voulu formaliser les procédures d'hospitalisation dites sans consentement, c'est-à-dire tout ce qui est forcé. Vous avez la police qui s'amène, qui met les menottes devant tout le monde, devant les voisins, c'est charmant. Et avant, il n'y avait pas de juge qui s'en mêlait. Maintenant, il y a un juge qui dit, est-ce que les papiers ont été remplis correctement? Est-ce que la procédure a été respectée? Et le juge, il a pas beaucoup d'assises. Et il décide pas sur le fond si c'est une bonne idée d'enfermer la personne ou pas, de la priver de ses droits ou pas. Vous avez 8%, 8,31% qui n'ont pas respecté la procédure parce qu'ils ont fait un faux certificat ou il n'y a pas renseigné une description, je ne sais pas, des choses comme ça. C'est-à-dire 6000 cas par an où les médecins n'ont pas fait leur boulot, ils ne sont pas sanctionnés. Vous avez une personne qui est brisée, sa réputation, son crédit, devant ses employeurs, sa famille, devant ses voisins. Une personne qui est brisée et c'est gratuit parce que ça a gêné. Il y a quelque chose qui a gêné quelqu'un. Vous avez entendu parler de Bernard Ripper, l'avocat... qui a été enfermé pendant 2 jours en psychiatrie, c'est juste il y a une semaine. Il suffit qu'un soi-disant expert psychiatre vous trouve un petit peu ceci, cela, contestataire, désagréable, agaçant, je ne sais pas, voilà. Donc c'est une loi abominable. Bonjour. Ouais, je m'appelle Michel, j'habite Pézenas et je suis bipolaire depuis 87. Donc depuis 87. Ah ben voilà, on est deux. Donc on est bi. depuis 87, lithium, enfin plein de trucs en fait, hein, qui m'ont aidé en tout cas, qui m'ont beaucoup aidé à travailler comme tout le monde, à avoir une vie sociale, dans laquelle j'étais mal à l'aise d'ailleurs. Parce que moi, je suis un enfant de 68, et dans 68, j'ai eu plein de valeurs qui me sont arrivées en pleine figure. Et enfin, j'ai digéré toutes ces valeurs-là. Et par contre, le travail dans lequel j'étais, en tout cas, je me sentais pas bien dedans. J'étais pas. Moi, pendant 40 ans, j'ai l'impression d'avoir collaboré à un système, en tout cas, qui exclut, qui met des gens à la rue, qui met des gens dans les hôpitaux. Donc, j'étais pas bien là-dedans. Et là, j'ai arrêté de prendre mon traitement depuis 3 mois maintenant. Et depuis que j'ai arrêté de prendre mon traitement, je suis guéri. Voilà. Et je suis enfin moi-même. Je suis comme ça. Voilà. Merci. Alors, je sais pas, on peut commencer peut-être parler de encore. Ouais, alors, est-ce que vous avez des questions, des échanges, des interventions? Ouais. Allô. Hop. Allô. Oui. Pascal. Moi, ma question est portée. J'entends bien qu'on a un système à un moment donné qui a recours à, y compris la psychiatrie, pour traiter tout ce qui n'est pas entre guillemets la normalité sociale. Mais quand même, malgré tout, est-ce qu'on peut quand même considérer qu'il y a des citoyens enfin, autour de nous qui, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas hein, comment on définit exactement les maladies psychiatriques, hein, mais est-ce que ne pas être, parce que le mot abolition, ça veut vraiment dire que tout le monde dehors et y compris à ce moment-là, la société n'a plus de regard non plus bienveillant par rapport à des gens qui auraient peut-être besoin d'être traités. Et je voulais savoir ce que t'en penses de ça. Est-ce que quand même il faut essayer de regarder que peut-être des gens autour de nous ont besoin d'être aidés et que ça pourrait s'appeler la psychiatrie ou autre chose, quoi. Voilà, merci. Bon, alors c'est une très bonne question. On a des moments où les uns ou les autres on flanche, une grosse crise. Une dépression nerveuse, ça existe, c'est pas anecdotique. Mais là, ce qu'on discute, c'est en fait toute l'articulation des soins. Et si des gens ont besoin d'assistance, il faut comprendre qu'on ne leur donne pas d'assistance, on les brutalise. Et file droit, si t'es pas content, c'est le même prix. Alors au bout d'un moment, quand on a compris, on est obligé de filer droit pour ressortir. Donc, on donne l'impression d'un bon troupeau qui va bien quand ça pète pas les plombs, parce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure que on vit avec des gens qui sont en souffrance. Il y a une promiscuité. Le souci, c'est plus les autres que soi-même, souvent. Et c'est les autres dans un système. Et ce système, il est mauvais. Ce système, il est inhumain. Ce système, il n'est pas d'assistance. Il y a personne qui vient vous frotter le dos et vous dire « ça va aller mieux ». Ça existe, mais c'est tellement rare qu'on ne peut pas dire que c'est général. Moi, je me souviens d'un médecin. Je me souviens d'un médecin qui devait me mettre des perfusions parce que j'étais en dépression, donc j'étais complètement par terre et je réagissais pas. Donc, il tentait un liquide. Il revenait 2 heures plus tard, une fois que la perfusion était passée, et si je lui disais non, ça fait rien, il me faisait enlever la perfusion tout de suite, et il mettait autre chose, il essayait autre chose. Et il mettait la main sur le genou en disant, ne vous inquiétez pas, on va vous retirer tout de suite cette perfusion. Il était gentil, lui. Mais des gentils, ils sont en minorité, les gentils, dans les hôpitaux. Les vrais gentils, si les vrais gentils qui prennent les soignants, qui prennent sur eux de faire des choses qui sont pas dans le protocole, ils sont rares. Il y en a qui se... Moi, j'ai eu un autre exemple, une infirmière qui, alors que j'étais en permission, me donnait des ampoules à me faire injecter si je revenais pas assez vite à l'heure de ma permission, en me disant, tu risques d'avoir un problème, je te donne ces ampoules, tu les gardes sur toi. Si t'as le problème, tu te fais injecter ça, ça ira. Mais vous voyez bien que c'est pas des choses qui sont autorisées à faire par le personnel. Donc voilà, je crois que la grande difficulté, c'est que le public pense que dans les hôpitaux psychiatriques, on soigne. On soigne effectivement, mais on soigne très mal et on soigne au forceps. On soigne de manière brutale. Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de gentillesse. Ils sont pas tous méchants, les soignants, mais ils sont pas souvent gentils. Ils appliquent des protocoles. Les protocoles, tout le monde les applique partout. On est dans un état fasciste, une dictature, on s'en aperçoit pas. Elle est subtile, elle est fine, elle est discrète. Mais on est dans une vraie dictature, un vrai fascisme, ça c'est sûr. Et il a raison. Ma dernière expérience de l'hôpital psychiatrique, ça remonte à 2 mois maintenant. J'avais un problème avec mon patron parce que j'ai été viré d'une façon que j'ai pas du tout appréciée et sans argent. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit écoutez, j'aimerais au moins avoir mes congés payés. Il m'a dit écoutez, non, ça a commencé en fait, j'ai demandé une rupture conventionnelle avant Noël. Et la rupture conventionnelle, j'ai écrit une lettre, on m'a dit la lettre est super, elle est honnête, elle est sincère. Vous inquiétez pas, ça va bien passer, vous serez certainement, ça sera à votre avantage, donc il y aura pas de souci. Donc j'ai attendu un peu. Puis je suis revenu quand même à la charge. Et le mec, il m'a dit, bon, écoutez, après les fêtes, on va en discuter. Après les fêtes, je suis allé le revoir et je suis allé lui demander effectivement ce qu'il en était. Il m'a dit, écoutez, Vous savez, la rupture conventionnelle, ça va coûter très cher à notre groupe. Moi, je travaillais pour Orpea, c'est un groupe qui est en bourse, côté en bourse. Donc, j'ai travaillé 13 ans dans une maison de retraite. Et le lithium a permis à ça, d'ailleurs, de travailler dans cette maison de retraite pendant 13 ans. Et donc, il m'a dit, non, ça va coûter très cher à Orpea, c'était 10 000, 15 000 euros pour 13 ans de travail. Sachant que dans 2 ans, j'ai ma retraite, j'ai 60 ans. Et donc, à 60 ans, à 62 ans, j'aurais déjà une prime. J'aurais dû avoir une prime de retraite qui est à peu près de 3 000, 4 000 euros. Mais quand j'ai payé mes salaires, ça faisait à peu près dans les 10 000 euros, j'avais calculé. Donc, il m'aurait donné finalement ce qui me revenait de droit. Donc, j'étais allé le voir parce que j'avais pas d'argent. Il me dit non, Orpea ne peut pas vous payer, il faut attendre. J'ai attendu. Et je suis revenu quand même à la charge et je me suis dit, bon, moi je fais grève. Tant que j'ai pas, mais quand j'ai payé, je ne bouge pas d'ici. C'est simple. Et le soir, j'ai eu les pompiers qui sont arrivés. Alors, j'ai négocié avec eux. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis pas malade. Je ne veux pas de médicaments. Je ne veux pas à l'hôpital. On m'a dit, écoutez, on va quand même vous emmener à l'hôpital, mais vous n'aurez pas de médicaments. Je suis arrivé à l'hôpital et aux urgences, à Béziers. Et là, on m'a mis de force, effectivement, à l'hôpital. Et on m'a laissé le choix, effectivement. On m'a dit, vous prenez le médicament, vous avez une piqûre. Ah! Là, j'ai dit, c'est pas du tout ce que j'avais négocié. On m'a dit, écoutez, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, donc vous soignez, vous prenez vos médicaments. Et il y a une traite, il y a une charte du malade dans les hôpitaux. Hein. On n'est pas obligé de prendre les médicaments. On n'est pas obligé. Mais de fait, on est obligé. Alors, on m'a attaché sur un lit. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas le, je lui rends la parole tout de suite. En fait, les médicaments, on peut ne pas les prendre, bien sûr. Mais c'est vrai. Et comme je ne voulais pas prendre de médicaments parce que je me sens pas malade, ça faisait quelque temps que déjà j'avais déjà imaginé que je m'étais victimisé en fait par cette maladie. C'est plus facile d'être victime que d'être responsable. Donc j'étais tombé dans la bipolarité simplement par facilité. On me disait, t'es malade. Ben, j'ai dit, ouais, ok, je suis malade. Donc, j'ai eu une pension, j'ai eu plein de trucs, des plein d'avantages sociaux, c'est vrai. Mais je me sentais pas bien là-dedans, parce que je me sens pas malade. Je me suis jamais senti malade. Et donc, arrivé à l'hôpital, j'ai eu le choix entre les médicaments et la piqûre. Et finalement, c'était la piqûre sanglée sur un lit. Donc, voilà, quoi. Et j'ai attendu quelques jours, et au bout du compte, j'ai quand même réussi à sortir. Mais, de force. Voilà. Et je suis là, et je suis bien heureux d'être là, vous voyez, regardez. Voilà. Tu peux prendre la parole, peut-être. Je vous laisse la parole, et ensuite, j'aimerais bien que tout le monde puisse poser des questions, et je laisse la parole à l'intervenant pour répondre aussi. Merci. Non, mais je vais pas en faire... On est dans le cœur du sujet. On vous dit... On peut pas être à l'hôpital psychiatrique et ne pas prendre de médicaments. C'est pas possible. Bon, alors, vous pouvez toujours dire que vous voulez pas prendre de médicaments. C'est pas possible. Monsieur, vous êtes dans un hôpital. Alors, au pire, on va vous dire, écoutez, on vous donne pas un gros truc, mais on est obligé de vous donner un petit quelque chose. On va vous donner du tertian ou un petit comprimé qui vous met quand même à l'ouest. Et après, on enchaîne. Mais tout ça, c'est dégueulasse. Voilà. Faire trop parce qu'on pourrait s'étendre longtemps. Hein. Tel que vous me voyez là, j'ai 30 hospitalisations depuis 1987 et j'ai 49 ans, je ne les fais pas. Tout ça, c'est, on ne comprend pas, on ne sait pas où on est. On n'est pas malade, on est malade, on n'est pas malade, on n'est pas malade. Ouais, on est sensible. La bipolarité, en fait, c'est une hypersensibilité. Moi, j'entends tout, je sens tout, je vois tout, en fait. Et c'est génial, en fait. Hein. C'est absolument génial parce que... Et ça dépend dans quel milieu on est, effectivement. Parce que si on est dans un milieu hostile, on est mal. Mais à République, moi, je suis bien. Je suis entouré d'amis, là, hein, c'est clair. Mais donc, je me sens vraiment hyper, hyper, hyper bien. Et je ne suis pas malade. Je suis différent. En fait, j'ai appris hier que j'étais un walker ou je sais pas quoi, enfin un prophète. Mais c'est vrai, depuis 87, je sais que je le suis. Mais c'est difficile à dire ça, hein. C'est difficile de dire. Hein. Je sais effectivement l'avenir, ce qu'il nous réserve, je le sais. Donc je le mets en place. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions, remarques? Non? Je vous redonne la parole alors. Oui, je voudrais introduire une notion qui est importante. C'est que la Convention droits des personnes handicapées à l'ONU demande aux États membres qui ont signé le protocole, la Convention, de renoncer au modèle médical pour s'ouvrir à considérer les demandes qui sont adressées, aujourd'hui elles sont adressées à la médecine et elles sont prises en charge par la psychiatrie. Mais il y a quelque chose qui est abusif. Si vous avez une demande qui vient au médecin, par exemple une demande contraceptive, est-ce que ça veut dire que la femme qui demande une contraception est malade? Est-ce que la contraception va la soigner? Or, quand on a une demande de type psychologique ou social, quelque chose qui n'est pas purement somatique, quelque chose qu'on ne va pas objectiver par un examen de sang ou un scanner, à ce moment-là, on applique toujours le même schéma, personne, maladie, traitement. Et c'est un schéma qui est complètement absurde dans la plupart des cas. Vous pouvez avoir des demandes qui n'ont rien à voir avec ce schéma. Vous pouvez avoir une demande de sécurité. Quelqu'un qui veut échapper à un milieu violent. Vous pouvez avoir n'importe quelle situation de conflit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste, est-ce que tu peux nous parler éventuellement de ce qui s'est fait beaucoup en Italie, c'est-à-dire remettre les gens en milieu ordinaire pour accompagner éventuellement leur réinsertion sans passer par des structures fermées, quoi. Je connais pas beaucoup l'Italie. Je sais qu'un a fait. C'était très très en avance sur son époque puisque c'était Basaglia, Franco Basaglia. Il a fait fermer les structures closes, c'est-à-dire il a fait à la place des structures ouvertes où les gens viennent parce qu'ils sont en demande d'aide et on leur apporte l'aide comme on peut, mais sans les enfermer et sans les contraindre à quoi que ce soit. Ça va tout à fait dans le sens de ce qui est demandé par l'ONU. Question. Ah d'accord, okay, là, ça marche, je sais pas. Moi j'aurais voulu poser une question sur cette maladie d'intervenant avant, qu'il appelle bipolaire. En fait, compte, je comprends pas trop, j'ai l'impression que c'est une étiquette qu'on met aux gens, et ça correspond pas, c'est plus... Et c'est une manière de gaz et mettre des gens... Alors que ça correspond pas à une réalité... J'ai l'impression que c'est une maladie qui a été inventée depuis peu de temps, en fait, compte. Avant, il y avait d'autres termes pour qualifier ces gens-là, d'autres visions, et j'ai l'impression que c'est inventé. Alors, si on a inventé un nouveau terme pour désigner des gens qui sont considérés comme asociaux, en fait, compte, c'est-à-dire différents, c'est bien. C'est bien une volonté de mettre les gens en case, dans des cases. Et je voulais savoir s'il y a des gens qui ont fait l'historique en fait compte de cette notion de bipolarité, d'où ça vient, comme ça se fait qu'on en parle maintenant, alors qu'avant on n'en parlait pas, on parlait d'autre chose. Qualifier. Sur le sujet, pour la bipolarité, je sais que c'est avant c'était la schizophrénie, et en fait dans l'histoire, il y a eu des dit comme ça qui ont changé de nom ou qui sont apparus. Et c'est très lié à la société, en fait. Ceux qui étaient considérés comme malades mentaux, il y a donc au Moyen-Âge à peu près, à partir du siècle, c'était les pauvres, parce qu'ils n'avaient pas leur place dans la société, c'était ceux qui ne travaillaient pas. Et donc ça a été les premiers enfermés donc dans des asiles, avec les idiots des villages qui étaient exposés sur les places. Et en fait, tout au long de la psychiatrie, de l'histoire de la psychiatrie, il y a eu plein de maladies qui sont apparues et disparues. Médicalement, comme une maladie mentale. Dans le grand livre de maladie mentale, avec les symptômes, tout ça. Donc comme ça, ça change. Donc en fait, la maladie mentale est en partie, en grande partie, je dirais même, définie par la société comme ce qu'elle ne veut pas. Et ce qui est différent à accepter. Oui, mais on invente un nouveau terme, ça correspond donc à une vision idéologique différente. Je veux dire, si on invente un... C'est qu'il y a une raison ou sociologique, ou médicale, ou pseudo-médicale. Je veux dire, il y a une réflexion du pouvoir là-dessus, et du pouvoir des psychiatres, qui amène à essayer de faire apparaître un nouveau mot. Et je me demandais pourquoi, à tel moment, apparaît ce nouveau mot. Après, C'est du marketing, il y a de l'argent, il y a des marchés, il y a une demande, on a des molécules, on a des brevets inutilisés, on invente des maladies. 70% des psychiatres qui ont participé à la rédaction du DSM-5, ont touché de l'argent des laboratoires pharmaceutiques. C'est pas un hasard. Il n'y a aucune espèce de preuve biologique de l'existence de ces maladies par rapport à une personne qui aurait, la personne qui ne l'a pas. On n'a pas de caractérisation pathologique. Vous savez qu'en médecine, il y a une discipline qui s'appelle la pathologie. La pathologie, c'est l'étude des maladies. On étudie les lésions histologiques, on regarde au microscope, on regarde les petites différences qu'il y a qui permettent de dire que la personne avait une maladie ou qu'elle ne l'a pas. C'est comme ça qu'on regarde, qu'on a pu définir par exemple la maladie d'Alzheimer parce qu'on voit des lésions histologiques dans le cerveau particulières avec des protéines particulières. Pour les maladies purement psychiatriques, il n'y a rien. Il n'y a rien qui permette de différencier entre une personne qui aurait la supposée maladie et une personne qui ne l'a pas. C'est parce que la psychiatrie est une imposture. Vous m'avez bien entendu, la psychiatrie est une imposture. Il n'y a rien de vrai dans la psychiatrie. Parce que justement, j'ai été en clinique psychiatrique. Bon, c'était cure, faire une cure. Bon, je suis encore un peu dingue. Hein. Dépression. Voilà, cure dépression. Et ben, j'ai été super bien soignée et le psychiatre, il a tout de suite mis le doigt sur mon problème. Voilà, après bon, ils m'ont donné un traitement. Bon, des fois il vaut mieux, comme ils disaient, il vaut mieux prendre un petit cachet et être bien que de pas en prendre et être mal. Voilà, donc une imposture, je sais pas. Alors que moi avant je croyais ni au psychiatre ni au psychologue. Je disais, mais comment ils peuvent savoir comment marche le cerveau, c'est tellement compliqué. Et finalement je me suis aperçue que si, que vraiment ça sert. Et moi, ça m'a fait super, super du bien. Donc, ben voilà. Moi, j'ai l'impression que l'un des gros problèmes de la psychiatrie, c'est pas tellement... parce que souvent, on reproche aux personnes qui sont contre la psychiatrie. Des gens, la réalité de la souffrance des gens, et du coup, c'est un peu... je voulais juste dire que ça revient pas du tout à ça, et qu'il y a une vraie souffrance. Il y a des gens qui connaissent des états de conscience complètement modifiés et qui entendent des voix, ça existe. Enfin, c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Simplement, c'est le modèle médical qui est plaqué dessus. Le fait de dire que c'est une pathologie individuelle, on oublie complètement les causes psychosociales surtout les causes sociales en fait, qui ont abouti à ces situations-là. Quand on est déprimé parce que, je parle pas de vous, hein, madame, hein, mais bon, ça m'est arrivé aussi. Quand on est déprimé parce qu'on a un super un boulot dégueulasse, des conditions de vie dégueulasses ou quoi que ce soit, au lieu de se rebeller contre ça, de former de se syndiquer ou je sais pas, de faire n'importe quoi, d'arrêter, de changer de boulot ou de chercher à vivre différemment, de lutter, eh ben on va voir un psy et il va nous donner. Alors bien sûr que voir quelqu'un qui nous écoute, ça peut faire du bien à certaines personnes. Moi je veux pas nier ça non plus. Ça peut faire du bien dans certaines situations où il y a pas d'autre solution en fait, où la solution elle propose de la psychiatrie ou rien. Donc dans ces cas-là. Bah oui, on va peut-être aller voir un psy, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas d'autres solutions. Donc, si on veut mettre un terme à la psychiatrie, il faut déjà aussi qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on propose d'autre et comment on comprend différemment la souffrance psychique, même extrême, et qu'est-ce qu'on propose comme soutien autre que la psychiatrie, quoi. Moi, ce que je trouve, c'est que pour que quelqu'un soit fou, il faut qu'il y ait deux personnes. Il faut une personne qui dise que l'autre est folle. C'est un jugement de valeur. Pour avoir un cancer, vous n'avez pas besoin d'avoir deux personnes. Vous avez le cancer, vous toussez, vous crachez du sang. Ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu été tant que personne le problème. On prend position dans le conflit. Ah, c'est vous. C'est plus moyen de sortir du conflit parce que la personne n'est plus respectée pour dire attention, c'est pas une maladie, cette dépression, c'est un conflit, c'est parce que j'ai du boulot, c'est parce que je m'entends pas avec mon mari, parce que le système éducatif me demande trop. C'est parce que cette société n'accepte pas la différence. Alors qu'on ne transforme pas les conflits en fausses maladies qui vont faire des victimes. Parce que la maladie, qu'est-ce qu'on fait? En la détruisant, on va détruire le microbe. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a désigné une personne comme le problème, la maladie? Eh ben, on la détruit aussi. Et on la détruit avec des drogues, qui sont les neuroleptiques. Et on la détruit par le traumatisme de l'hospitalisation forcée. Vous savez, ça brise les gens. Une personne qui a vécu ça n'est plus pareille. Et si elle se défend, on lui augmente les doses et elle ne peut pas sortir. C'est une torture. c'est un dressage et la personne ne peut s'en sortir que d'une seule façon, en disant « D'accord, c'est moi le problème, c'est dit. J'accepte ce rôle. Mais c'est foutu. Elle n'est plus elle-même. Toute sa vie, elle pourra plus se réaliser. » Vous savez combien on a de suicides après une hospitalisation psychiatrique? Combien a-t-on de suicides après une hospitalisation psychiatrique? Eh bien, le nombre de suicides est multiplié par plus de 40 fois. Pourquoi? Parce que la personne ne peut plus exister. On va prendre une dernière intervention, s'il y en a une, et conclure. Oui, c'est pour réagir à ce que... Je ne sais pas ton prénom. À Aurore, je pense qu'effectivement, quand on donnait à responsabiliser la société, on a un exemple, je trouve, assez concret aujourd'hui où on ne peut pas isoler l'individu. C'est le débat sur le burn-out dans les entreprises. C'est-à-dire on voit donc des salariés qui craquent et où le débat aujourd'hui est réellement engagé, y compris avec les partenaires sociaux, pour examiner de près quand même qu'est-ce qui fait que dans un processus de travail, on arrive à un moment donné à des symptômes qui continuent à craquer. Mais que la responsabilité ne devienne pas simplement individuelle ou par rapport à l'énergie existante, etc. Mais évidemment, c'est bien le système à un moment donné qui peut lui engendrer chez des individus le fait de craquer et de faire, enfin, on va dire, un court-circuit, quoi. Voilà. On va passer à l'intervention suivante. Je laisse la parole à Yves. Je vous précise, n'hésitez pas à vous avancer et à vous asseoir. Hein, je voulais juste préciser qu'on a une boîte à questions. Donc, en fait, c'est une boîte où vous pouvez poser vos questions sur des petits papiers. Et on y répond, en fait, tous les samedis à 16h, tous ensemble, sans intervenant, en fait. Vous posez vos questions et vous y répondez. Voilà. Et puis, merci à toi, Jules, d'être venu. C'était très intéressant et important, je pense, aussi d'en parler.